Je suis sur une route à sens unique, la N70 qui va vers Châlons, et j'approche d'une bifurcation routière pour prendre la N79 qui mène à Mâcon. Cette bifurcation est située à 1000 mètres d'ici. J'ai largement le temps de dépasser cette voiture, que j'aille à Châlons ou que je continue vers Mâcon. En effet, à 110 km/h, je parcours presque 2 km en une minute et plus de 30 mètres en une seconde. Réponse A et C.